présente un podcast exclusivement dédié aux jeux vidéo. Lulutendo vous souhaite la bienvenue sur le bistrot du JV. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lulutendo et je vous présente le jukebox du bistrot. En cette période de vacances, rien de tel que de la musique ensoleillée et ressourçante. Sans plus tarder, partons à l'aventure avec un titre issu de la soundtrack de Captain Toad, intitulé Plucking Past Beginnings. Toujours du côté de chez Nintendo, et dans le même registre, voici maintenant le thème de l'écran principal de The Legend of Zelda : The Wind Waker. Thank you.

and I fell. Here's what I feel, something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, he wouldn't even take a bite. Aurez certainement reconnu le thème principal de Crash Bandicoot, réalisé par Josh Mansell. Je vous propose maintenant une musique réalisée par Koei Tanaka pour la BO de Gravity Rush 2. Voici donc pour la suite Power Glove, que l'on peut entendre dans Trials the Blood Dragon. Pour notre avant-dernier titre, je vous laisse en compagnie du sorceleur avec Sword of Destiny venant de The Witcher 3. Et pour terminer ce premier numéro du Jukebox, rien de tel que Gelato Beach de Mario Sunshine. Mais avant, je vous remercie grandement d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à la partager, à laisser un petit commentaire, et même si vous êtes doué et si vous êtes en forme, 5 étoiles sur le compte iTunes. C'était Lulutendo pour le Bistrot du JV.